Bonjour à tous, très chers auditeurs, et bienvenue sur Radio Gémozo pour l'instant santé bien-être avec les secrets de Mathilde, naturopathe. Je suis passionnée depuis quelques années par l'Ayurveda, médecine ancestrale qui nous vient tout droit de l'Inde. Ayant eu une alimentation principalement crue pendant environ un an, j'ai eu ensuite des problèmes de digestion, jusqu'à ce que je découvre cette médecine et que je consomme de l'or liquide, que l'on appelle le ghee, ou beurre clarifié. Le ghee est un indispensable en Inde. L'Ayurveda le considère comme un rasayana, c'est-à-dire un aliment donnant jeunesse et longévité. Selon l'Ayurveda, le ghee authentique peut uniquement être obtenu en le cuisant très lentement. Au cours de cette cuisson longue et soigneuse, l'eau, le lactose et les protéines se trouvant dans le beurre sont éliminés. Ceci lui donne cet arôme de noix typique et permet de le conserver plus longtemps que le beurre. Le corps a besoin de graisse. Bien que la tendance actuelle prêche la diminution des graisses, que l'on vivrait même plus sainement sans elles, les graisses de bonne qualité sont indispensables à la santé de nos cellules, de nos nerfs et de notre peau. Les aliments produits avec du ghee sont mieux décomposés et mis en valeur. Le ghee est aussi indiqué pour les personnes qui ne supporteraient pas le lactose. Il y a graisse et graisse. On peut classer les graisses dans deux catégories, saturées et insaturées. Les graisses saturées sont divisées en acides gras à longue chaîne et courte chaîne. Les acides gras à longue chaîne, en majorité d'origine animale, ne sont pas métabolisés complètement par le corps et peuvent donc conduire à des problèmes de santé. Ceux à courte chaîne, par contre, sont assimilés et se métabolisent en produisant de l'énergie. Les acides gras insaturés peuvent être divisés en graisses monoinsaturées et polyinsaturées. On trouve les graisses monoinsaturées en grande quantité dans l'huile d'olive ou l'huile de colza. Et les acides gras oméga 3 et oméga 6 font partie des acides gras insaturés, par exemple l'huile de pépins de raisin ou l'huile de chardon. L'utilisation d'huile végétale pour cuire et rôtir n'est pas à recommander, car elles sont très sensibles à la chaleur et à l'oxydation, par exemple les huiles de tournesol, de soja ou de colza. Il vaut mieux acheter des huiles végétales pressées à froid en qualité bio, idéales pour les salades, pesto et autres. Les huiles d'olive ou de sésame, par exemple, trouvent tout naturellement leur place dans la cuisine ayurvédique, fournissant une bonne combinaison d'acides gras. Mais revenons-en au ghee. Le ghee a des qualités spéciales. À l'opposé des huiles végétales, le ghee est composé principalement d'acides gras saturés à courte chaîne. Il ne devient pas rance, ainsi ne s'oxyde pas et ne forme donc pas de radicaux libres dans les cellules. Le ghee contient de l'acide butyrique, un acide gras à courte chaîne peu présent dans les aliments, qui participe à rééquilibrer la muqueuse intestinale. Une propriété particulièrement intéressante pour les petits ventres sensibles ayant des inflammations de l'intestin, la rectolite, la maladie de Crohn ou pour les personnes ayant une porosité intestinale. Il a également une action régulatrice sur notre transit intestinal. Sur ceux ayant un transit lent, il agit comme un soutien avec une légère action de laxatif doux, tandis que sur les personnes ayant un transit trop rapide dû à une inflammation intestinale chronique, son action anti-inflammatoire viendra calmer un état inflammatoire et fortifier les tissus de la paroi de l'intestin. Dans ce deuxième cas, il faudra une consommation régulière sur le long terme pour avoir des résultats. Le ghee contient les vitamines dites liposolubles A, E, D et K. La vitamine A est importante pour nos yeux. Une consommation régulière de ghee participera au bon fonctionnement de notre rétine, facilitera l'adaptation de nos yeux à l'obscurité et participera à prévenir les déséquilibres oculaires. La vitamine D et la vitamine K, quant à elles, sont précieuses pour notre système nerveux et nos os. La vitamine E a une action antioxydante très puissante et participe donc à lutter et ralentir les processus oxydatifs, comme le stress, la prise médicamenteuse, la pollution atmosphérique. Et il contribue à soutenir notre système immunitaire. Riche en composants phénoliques, le ghee a également une action antioxydante, antivirale et antibactérielle. Propriété intéressante pour notre système immunitaire. Action qui sera renforcée dans le cadre d'habitudes holistiques adaptées, bien sûr, comme une alimentation saine, la gestion des émotions, etc. Avantageux pour notre clarté cérébrale. Selon les enseignements de l'Ayurveda, le ghee serait extrêmement intéressant pour les personnes en excès de vata, qui se manifeste souvent sur le plan émotionnel et psychologique par une hyperstimulation cérébrale, comme les troubles du sommeil, dispersion mentale, difficulté à se concentrer et à mener un projet. Une consommation quotidienne sur le moyen et long terme aiderait donc à stabiliser notre mental en étant beaucoup plus ancré. Le ghee est un or liquide qu'il serait dommage de s'en passer. Cela dit, ne croyez rien que vous n'ayez pas expérimenté. J'ai eu beaucoup de questions au sujet du ghee. Je me suis donc décidée à proposer un atelier de fabrication de ghee et celui-ci se déroulera demain à 15h à la Manufacture Bio de Saint-Nabor. Il reste encore quelques places de dernière minute, il suffit juste de vous inscrire en me contactant. Vous trouverez toutes les infos nécessaires sur ma page Facebook Les Secrets de Mathilde. En attendant, je vous souhaite une très belle journée et vous dis à vendredi prochain sur Radio Gémozo.